C'était... Il se faisait des farces toute la journée. En travaillant, il se faisait des farces. Et jamais personne ne prenait mal une farce, parce que s'il l'avait pris mal, après c'était fini, quoi. L'ambiance était montée. Mais je dis, c'est incroyable les farces qu'il pouvait faire. Hein.